Y a-t-il des trucs? Et s'il n'y a pas de trucs, comment ça se fait? C'est pas pire, tu t'améliores à la longue, ça s'en vient bien. Y a-tu des trucs? Et sinon, pourquoi? Comment ça se fait? Ouais, c'est bien ça. Bon. Ouais. Intéressant, ça. Bon, c'est une bonne question. Ça me permet d'aller fouiller des places qu'on va pas souvent. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de trucs? L'évolution, ça ne regarde pas l'homme. L'homme évolue souvent inconsciemment et toujours involontairement. Toutes les recherches entreprises par l'homme ancien, donc par l'âme, par toute la phénoménologie d'évolution âmique reliée à l'âme, reliée à l'ego, permet à l'ego d'accumuler de la mémoire, permet à l'ego d'accumuler de l'expérience, permet à l'ego d'accumuler de la sécurité, permet à l'ego d'envisager des futurs possibles, permet à l'ego d'élaborer son schéma de conscience, de compréhension, même s'il n'englobe pas toute la réalité. C'est-à-dire que ça permet à l'ego de pouvoir inventer toute une cosmogonie, même s'il n'est pas capable de l'englober. Prenons l'exemple de celui qui parle de la Bible. Il n'est pas capable d'englober la Bible. Son phénomène biblique est un phénomène âmique, donc mémoriel, donc astral, donc égoïque. Et cet être humain, même s'il connaît la Bible par cœur, n'est pas capable d'englober la Bible. Il ne pourra englober que des parties de la Bible à la fois, et les parties qu'il englobera, selon sans doute, ce seront sans doute celles qu'il pourra parler lorsqu'il essaiera de vous convertir ou lorsqu'il parlera avec vous. Même le plus grand des théologiens bibliques ne peut pas englober la Bible d'une seule traite. Il ne peut pas avoir à sa conscience instantanément toute l'apologie, toute l'évolution théologique de la Genèse à l'Apocalypse, en passant par tout ce qui est écrit dans les milliers de pages de la Bible. Il ne peut pas la percevoir dans une globalité instantanée. Il doit effriter sa conscience biblique en petits morceaux pour pouvoir lire dans sa mémoire, comme dans le livre, des parties, page après page, mot après mot et lettre après lettre. Alors, est-ce qu'il y a un truc? Toute évolution de l'âme, toute évolution évolutive de l'âme est une évolution qui n'a que deux tendances. La première, c'est la tendance scientifique, c'est-à-dire celle qui va permettre à l'âme d'accumuler de plus en plus de connaissances pour essayer d'expliquer de mieux en mieux l'univers, la consistance universelle, la cosmologie de l'homme, donc d'avoir un point de vue de plus en plus grandiose. Autrement dit, l'évolution scientifique est une évolution qui permet à l'âme de gonfler, gonfler, gonfler, gonfler, gonfler. Et plus elle sera gonflée, plus elle pourra avoir l'impression qu'elle englobe l'extérieur à l'intérieur de ses paramètres, le périsprit. C'est donc une évolution expansive, tout à fait illusoire en ce qui concerne le solutionnement instantané, complet, cosmique de la présence, de ce qui est présent, de tout. L'évolution âmique théologique, donc intuitive, elle ne demande pas à l'homme d'englober, d'englober, d'englober, de se nourrir, de grossir, de grossir, de grossir. La théologie instruit plutôt l'homme qu'il doit être humble. Parce que regardez ceci. L'homme a deux hémisphères cérébraux, ces deux hémisphères cérébraux sont en vibration avec deux paliers tout à fait distinctifs de la conscience de l'homme. L'un va être intuitif et l'autre va être cartésien. Donc, l'un va être intuitif, théologique, et l'autre cartésien, intellectuel, scientifique. L'homme va donc, selon ce qu'il va raisonner avec l'une de ces deux parties, intuitive ou cartésienne, expliquer l'univers. Donc, le scientiste va expliquer l'univers d'une façon mathématique et l'intuitif, le théologien, va l'expliquer d'une façon intuitive, émotive. Lorsque l'homme essaie de comprendre, bon, la science, elle dit, gonflez, gonflez, gonflez, connaissez, connaissez, connaissez, étudiez, étudiez, apprenez, apprenez, expérimentez, expérimentez, et un jour peut-être que vous aurez expérimenté tout l'univers, alors vous aurez l'univers en vous. Et c'est la finalité scientifique, qui évidemment ne peut pas être abordée scientifiquement, parce que contenir l'univers en soi est impossible. Contenir l'univers en soi veut dire que nous devons contenir les paramètres de nous-mêmes en nous. Donc, on n'existe plus. Alors, scientifiquement, les savants n'osent pas trop s'avancer, mais une chose certaine, c'est que remplissez la bolle du monde, remplissez leur tête, faites-en des génies, instruisez-les, poussez-les, analysons, informatisons-nous, et on aura peut-être quelque chose, des réponses. La théologie, donc, l'intuition, elle va dire... L'intuition, elle a la faculté de fouiller là où la science ne peut pas fouiller, sauf que l'intuition n'a pas le privilège de prouver ce qu'elle trouve. Tandis que la science peut prouver, analyser, peser, quantifier, qualifier ce qu'elle trouve, mais elle ne peut pas fouiller là où la théologie va. Alors, il y a un problème majeur, vu qu'il y a une séparation entre la science et la théologie. Oh, la cabale, l'alchimie a essayé de réunir les deux, l'ésotérisme aussi, mais c'est émotivisé. L'intuition est capable de percevoir des choses. Je donne un exemple. L'intuition a permis de découvrir l'acupuncture, l'énergie des méridiens yin et yang qui circulaient à la surface de l'homme. Tandis que la science, elle, ne l'a jamais trouvé. Par contre, la science a pu éprouver. Elle ne l'a pas trouvé, mais elle a pu prouver l'existence de l'énergie yin et yang, parce que maintenant, la science a mis au service des acupuncteurs un paquet d'appareils. L'intuition pouvait le découvrir, la science pouvait le prouver, mais la science ne pouvait pas le découvrir, il fallait de l'intuition. Remarquez que l'acupuncture fait référence à l'énergie yin et yang, donc fait référence au Tao, qui est une religion théologique, donc une intuition émotive, une explication cosmogonique de l'univers. L'intuition va donc dire que l'homme doit être humble. Humble, dans le langage de l'homme nouveau, veut dire être anégoïque, pas d'ego. Pas d'ego, pas d'orgueil. Celui qui est humble et qui le sait a de l'ego. Il n'est pas humble, vu qu'il le sait. Alors, il va continuer à agir parce qu'il sait que ça donne l'impression d'être humble, mais plus humble. Il agit pour paraître humble, plus humble. L'intuition dit donc l'humilité, la négoïsation. Sauf que l'intuition, la théologie, a fini par la théologie, qui est quand même l'explication de l'âme. Même si elle est intuitive, l'explication de l'âme, des choses, n'a pas dit anégoïsation. Elle a dit que c'était bon d'être humilié à un moment donné. Mais être humilié puis être humilisé, c'est deux. L'intuition va donc dire que l'évolution de l'âme doit se faire toujours avec de l'ego. Sauvez votre âme, préservez votre âme, elle est à vous, gardez-la, conservez-la. C'est normal, c'est une religion égoïque, amique, une théologie amique. Mais elle va quand même être régie par de l'intuition intelligente, qui va lui l'instruire que l'âme doit devenir légère. C'est-à-dire que les paliers moins vibratoires de l'âme doivent être spiritualisés, donc doivent être énergisés pour pouvoir permettre à l'âme d'avoir une vibration plus haute. Et effectivement, c'est beaucoup plus dans l'évolution amique théologique que l'être humain aurait disons, avantage à se diriger, parce que augmentant la vibration de son âme, on peut appeler cela purifier son âme dans le terme de l'alchimie, purifier la substance, avant de la transmuter. Purifiant l'âme, la vibration de l'âme monte, montant en vibration, de moins en moins, il y a des émotions qui peuvent venir teinter la perception intuitive de l'âme. Et lentement, l'âme engendre donc le plan mental, qui va par la suite l'amener au contact de l'Esprit Saint, donc du plan supramental, de l'intelligence instantanée. Tandis que dans la majorité des cas, l'être humain a été obligé de grossir son âme par le phénomène scientifique, par le phénomène scolaire, éducatif. Et si on se demande pourquoi, quelle est l'intelligence du fait, pourquoi y a-t-il eu à un moment donné une scission cérébrale, donc deux hémisphères, qui permettaient à des êtres humains d'être en résonance intuitive et à d'autres êtres humains d'être en résonance, disons, cartésienne, scientifique? Pourquoi? Pourquoi? Simplement que l'ego de l'homme ne pouvait pas. Il y a des égos, ça dépend de la génétique, ça dépend de la génétique physique, vitale, réincarnative astrale, ça dépend de la génétique. Il y a des humains qui ont la faculté de naissance d'avoir une intuition hautement développée et une intuition qu'ils pourront analyser émotivement, mais une intuition qui pourra quand même les mettre en connexion avec des paliers vibratoires, on pourrait dire avec des connaissances qui ne sont pas données aux scientifiques. Tandis qu'on a d'autres génétiques qui n'ont pas cette intuition, qui n'ont pas, comme on disait dans le passé, cet appel de Dieu. Vu qu'ils n'ont pas cette intuition, ils doivent donc passer par l'expérience. Passant par l'expérience, ils doivent donc apprendre par essai et erreur, donc ils doivent remplir leur ego. Et c'est là que la science intervient, et elle permet donc à ces humains d'avoir un ego suffisamment puissant, d'avoir une mémoire volatile, donc une expérience suffisamment pleine de choses, pour obliger l'ego à désirer un paquet de nourriture, donc un paquet de choses. Désirant ces nourritures, il se frappe à la désillusion, Ça ne marche pas comme il veut. Donc, il instruit le plan mental et il parvient lui aussi au contact avec l'énergie supramentale. Les trucs pour que, lorsque l'homme, qu'il soit intuitif ou cartésien, ça n'a rien à voir au niveau de l'homme nouveau, parce que l'homme nouveau ne fonctionnera plus que du côté intuitif et cartésien, il va fonctionner selon une vibration nouvelle, ce qui ésotériquement porte terme le nom de troisième cerveau, un cerveau éthérique, un cerveau supramental, un cerveau qui va être vibratoire, un cerveau qui ne sera pas, disons, physifié. Il aura une correspondance avec la glande pinéale, mais il ne sera pas physifié. C'est un cerveau qu'on ne pourra pas disséquer, autrement dit. Un cerveau que l'intuition pourra trouver, que la science un jour pourra prouver, mais que la science ne peut pas trouver, et que pour l'instant, vu qu'elle ne trouve pas, elle ne peut pas prouver. Ce troisième cerveau va faire une synthèse entre la thèse, disons l'intuitif, et l'antithèse, l'intellect, et elle permettra à l'homme nouveau, de pouvoir maintenant vibrer non plus par la filtration intuitive ou cartésienne d'une sensibilité physique, mais va permettre à l'homme d'avoir accès à une conscience globale instantanée qui va lui permettre de s'exprimer par l'intuitif et le cartésien dans la matière planétaire, mais qui ne donnera plus à l'homme une conscience analytique par l'intuitif et le cartésien. C'est-à-dire que l'intuition et le cartésianisme chez l'homme va pouvoir servir lorsque l'homme sera en contact avec ce que l'Antiquité appelle l'Esprit Saint, son troisième cerveau éthérique énergétique. Le cerveau éthérique a pour fonction de devoir s'exprimer dans l'échelle intuitive et cartésienne de l'homme pour pouvoir énergiser, donc faire évoluer ou espritiser la matière. Sauf que présentement, l'homme étant un véhicule relativement en développement, disons en gestation, l'être humain n'a pas encore cette conscience espritique chez lui, il la développe lentement. Présentement, l'être humain fonctionne à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de recevoir de l'esprit et l'exprimer par l'intuition cartésienne, donc par ces deux hémisphères, par l'expression soit de la science, de l'art ou des choses, l'homme présentement analyse le sol, il analyse ce qu'il connaît et par le biais de l'intuition et du cartésianisme l'amène à sa conscience, tandis que l'homme nouveau passe par la conscience et le transmet dans la matière, par la parole ou par la gestuelle, par le biais de l'intuition et du cartésianisme, ce que présentement l'homme ancien fait à l'envers. Bon. Est-ce qu'il y a un truc lorsque tu es juste placé entre les deux, lorsque ton émotion, lorsque l'âme s'exprime encore par le biais de l'endocrinalité physique et que ton mental vibre d'une correspondance nouvelle, soit que tu as peut-être quelques petits contacts de savoir instantané, alors à un moment donné, tu sais des choses que tu n'as jamais apprises. Tu vois l'intelligence de certaines choses, tu deviens conséquentiel, tu vois que ça devrait pas être ou que ça devrait être, mais que ton corps physique a de la difficulté à pouvoir supporter ce que vous êtes. Lorsque je dis que le corps physique doit être suffisamment puissant pour supporter le contact de l'intelligence, c'est ce que je veux dire. Vous, à un moment donné, l'être humain arrive à avoir un mental suffisamment énergisé, vibratoire, pour pouvoir faire des choses, mais le corps physique ne le supporte pas pantoute. À un moment donné, tu finis par avoir une réponse, puis t'as peur. Le corps physique ne le supporte pas. Ton âme n'est pas capable de supporter vibratoirement l'expérience que quelque chose à l'extérieur de l'âme amène un savoir que l'âme ne connaît pas. Alors l'âme, s'exprimant par le système endocrinien, peut détruire la neurologie, rendre la personne folle, peut créer la majorité des hypertensions qui ne sont pas pathologiquement reconnues, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une hypertension, mais on n'en connaît pas la cause. Hein? Ça crée un paquet de phénoménologies coronariennes, cardiaques, des douleurs qui ne sont pas, disons, électrocardiogrammifiables. On a un paquet de phénomènes qui va être justement cette tentative de l'âme d'échapper à l'évolution améliorative et non plus adaptative ou expansive de l'ego, à l'évolution améliorative de l'esprit, donc du mental de l'âme qui tend à se connecter de l'esprit, donc à son esprit, à être dans sa propre intelligence. Et le truc, s'il y a un truc pour que l'émotion s'exprime plus, ben le problème, c'est qu'il n'y a pas de truc. Le seul truc qu'il y a, c'est que plus tu vas te conscientiser, plus il y aura évidemment de l'émotion qui va s'exprimer tout croche chez toi. Et puis, à un moment donné, l'émotion ne peut plus s'exprimer. Pourquoi? Parce que plus l'être humain va foncer vers la mentalisation, donc la conscientisation logique ou intelligente ou conséquentielle de ce qui se passe, plus l'être humain va être capable de vibrer mentalement, plus le mental va être capable d'entrer en contact avec le plan supramental, donc de l'esprit, l'esprit même de chacun d'entre vous, et automatiquement, l'esprit va être capable de venir, disons, réharmoniser, réveiller, on pourrait dire, la glande pinéale, qui automatiquement, elle, va se remettre à sécréter des hormones qui ont le privilège d'empêcher certaines expressions amiques de, en l'occurrence, la reproduction. Il y a une panoplie d'émotions. Et lentement, le thalamus qui filtre et l'hypothalamus qui transmet va de plus en plus être désassujetti dans sa mécanicité vibratoire de la manipulation de l'âme, donc de l'ego, pour être replacé au niveau de la glande pinéale, c'est-à-dire que là, le mental va commencer à pouvoir régir la corporification hormonale de ses énergies, c'est-à-dire que là, le mental va donc être capable de prendre le dessus, il va devenir le seul maître contrôleur à bord du corps physique, et l'homme n'aura donc plus, lorsque l'homme va voir clair, le corps va être clair, lorsque l'homme va voir une chose, le corps va être en résonance avec la chose, et à partir de ce moment donné, l'homme cellularise tout ce qu'il vit mentalement, c'est-à-dire que l'homme transmute sa génétique, parce que le corps physique étant directement assujetti au plan mental, tout ce que l'homme vibre au niveau de sa conscience, il le transmet cellulairement, et les enfants qui vont naître par la suite vont donc être des enfants qui vont être génétiquement plus évolués, physiquement, vitalement, amiquement et mentalement. Des enfants qui auront quand même le chemin du contact supramental à faire, donc des enfants qui, de leur naissance, ne leur donnera pas ce contact avec l'esprit. Alors, le truc, il n'y en a pas. Le seul truc qu'il y a, c'est continuer à vous botter le derrière, continuer à vous poser des questions, continuer à vouloir légiférer sur vos questions, cesser d'avoir peur de ne pas répondre à vos questions, continuer à faire ce que vous faites. Veut pas, l'être humain s'en va inconditionnellement vers la fusion avec son plan mental, donc la maîtrise totale de son corps physique par le plan mental, ce qui fait que l'être humain devient donc un homme nouveau. Il va donc cesser de manger pour nourrir sa psychologie, il va donc cesser de s'habiller pour habiller sa psychologie, il va donc cesser de jouer pour jouer au niveau psychologique, il va donc cesser de faire une panoplie de choses qui n'ont pas de conséquences intelligentes, mais qui n'ont que des conséquences émotives, donc des conséquences de nourrissement de l'ego. Voilà, maintenant on va aller avec les questions. Si la conscience du fonctionnement de mon ego et des chemins qu'il prend n'est pas suffisant pour le diminuer et contrôler, quoi faire? Comment se désassujettir des habitudes, des réactions d'ego? Bon, regardez ceci. L'ego, l'âme, veut une nourriture. Elle veut une nourriture, par exemple, qui pourrait lui être amenée par quelqu'un. Elle veut têter de l'énergie, parce que l'âme tête de l'énergie. Alors, elle va voir le voisin, et puis elle lui explique ses problèmes. Le voisin compatit, donc lui donne de l'énergie, nourrit l'âme. L'âme se sentant nourrie, parce que l'autre compatit, la personne se sent mieux. Elle s'en retourne chez elle, les problèmes ne sont pas réglés, mais l'âme est nourrie. Lorsque l'âme commence à avoir besoin de nourriture, elle sait, parce qu'elle a expérimenté, que le bonhomme est compatissant, fait qu'elle a juste à traverser l'autre bord. Ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, le bonhomme va dire, va voir un psychologue, va voir, je sais pas moi, un prêtre, va voir quelqu'un qui peut peut-être t'aider. Si la personne vient et elle se plaint continuellement. Mais le problème, c'est que l'âme a besoin d'expérimenter des choses, ce qui fait que lorsque l'âme s'exprime, l'expression de l'ego crée une expérience dans l'âme. L'expression même d'un problème suffit souvent à nourrir l'âme. Alors, il vient un temps où la personne s'exprime. « Ah oui, mais j'ai des problèmes, et que ça va pas. » Elle veut pas qu'on la guérisse. Elle ne veut que s'exprimer parce que le fait de brailler est suffisant pour la replacer. Alors, il y a plusieurs médecins qui vont dire « Oui, mais ces patients-là, ils veulent pas guérir. » Mais non, ils veulent pas guérir, ils veulent se plaindre. C'est-à-dire qu'ils ne se plaignent pas, ils se nourrissent à leur façon. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui va cesser de se plaindre puis qui va finir par faire ce qu'il faut faire pour se guérir? Si le mental prend le dessus, ou bien si l'énergie d'une personne qui veut l'aider est capable d'incruster dans la mémoire volatile de l'âme une vibration qui va obliger l'ego à briser cette routine. Oui, mais est-ce qu'on décide que le mental devient, à un moment donné, il prend le dessus? Non, par hasard, disons, c'est-à-dire c'est pas le hasard, c'est la mécanicité qui crée l'humain et qui, en fin de compte, engendre des sociétés et toute la mécanicité du système, fait qu'un jour, tu vas te ramasser devant un bonhomme ou une bonne femme qui peut être professionnel ou non, qui va engendrer une énergie chez toi. Ou encore, ça peut être un accident qui va venir bouleverser ton ego, donc une partie de l'ego qui décolle, et ça peut être cette mémoire d'habitude. À partir de l'accident, tu as changé. C'est normal, il y a une partie de ton ego qui a sauté parce que le choc de cet événement au niveau mémoriel a transformé ton ego. Ce qui va arriver souvent, c'est que la personne, elle va faire une chose, elle va boire, elle revient, et puis après une demi-heure, elle recommence, et puis elle, à un moment donné, elle engendre chez elle une mécanicité qui fait qu'à force de répéter le même gestuel, ça finit par créer un petit agglomérat dans son âme qui s'accole à l'ego. Maintenant que l'ego est constitué un peu de cet agglomérat de répétition d'un geste, alors l'ego aura aussi besoin d'être nourri de ce geste. C'est ce qui va engendrer l'habitude. L'habitude peut être inconsciente parce que l'ego n'a pas conscience de lui, l'ego a conscience de ce qu'il laisse comme trace. Ça engendre l'habitude. Si la connaissance du fonctionnement de mon ego, des chemins qu'il prend, n'est pas suffisante pour le diminuer, contrôler quoi faire, comment se désassujettir des habitudes, des réactions d'ego? Bon, les habitudes, on les désassujettit comment? En prenant simplement mentalement conscience de la gestuelle que l'on exécute. Si tu as l'habitude de toujours faire telle chose, prends, observe que tu le fais. Automatiquement, tu déformes l'habitude. Bon, c'est une chose. Deuxièmement, plus le mental va prendre, va avoir de substance énergétique pour arriver à observer le travail de l'ego, plus la personne se désassujettit de la manipulation de son ego. Mais tu me semble que ça a l'air d'un truc, ça. Parce que si on se désassujettit... Mais il y a un truc dans le truc. Hein, c'est que, justement, si on commence à s'observer, oui, simplement s'observer, c'est peut-être un truc. Oui, mais le maudit problème. Reste là 2 secondes. Bon, le mot t'a dit problème. C'est que l'ego est capable de marcher dans la neige et voir la trace qu'il fait. Donc, l'ego peut observer la trace qu'il fait. Et le mental est capable, lui, aussi d'observer la trace que l'ego fait. Et il est aussi capable d'observer l'ego qui fait la trace. Mais le problème, c'est que l'ego, apprenant que le mental peut observer, et pourquoi on le dit si l'ego le sait? Mais le disant, c'est incrusté dans la mémoire. Incrusté dans la mémoire, le mental peut y avoir accès. Instruisant l'ego, on instruit le mental. Mais on ne peut pas instruire le mental sans instruire l'ego. Donc, ça crée toujours un problème où l'ego peut jouer le jeu du mental. Je m'observe. Non, c'est un ego qui voit les traces. Mais l'ego ne peut pas s'observer. Lui, faisant la trace, il ne peut qu'observer la trace faite. Mais qu'est-ce qui fait que je vais percevoir la différence, que c'est pas le mental... égoïsé, mais que c'est le vrai mental. Tu ne percevras pas la différence au niveau de ton ego. Par contre, ton mental va finir par être suffisamment vibrant à un moment donné que le mental va savoir que c'est lui qui observe et que ton ego va lui aussi pouvoir observer. L'ego va pouvoir dire bon, mais présentement, je m'observe, là, je vois que j'ai peur, là, mais ça règle rien. Là, je vois que j'ai peur, là, mais plus je vois que j'ai peur, plus j'ai peur. C'est l'ego qui observe simplement la trace et il s'en nourrit. Donc, il s'auto-énergise et la peur s'accentue. C'est dangereux. Mais c'est dangereux, c'est pas dangereux, c'est comme ça. Si le mental, lui, observe par contre ce qui se passe, le mental observe la peur, observe l'ego qui fait la peur, observant, lorsque le mental observe, automatiquement, il prend plus d'espace dans la conscience de l'homme, donc au niveau du cerveau, prenant plus d'espace au niveau de la conscience de l'homme, l'ego a moins d'espace, l'ego y a moins d'espace, l'ego s'exprime moins. Quand le mental observe l'ego, automatiquement, ce que l'ego exprime disparaît. Si le mental observe que l'ego a peur, la peur s'en va. Mais si l'ego observe que l'ego a peur, la peur, elle reste et la peur souvent s'accentue. Comment discerner si c'est une observation mentale, ça place les choses. Si c'est une observation égoïque, ça ne place rien. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va arriver à se désassujettir. Mettre les vêtements d'un autre, c'est dépersonnalisant. Que penser d'une transplantation cardiaque? Bon. Là, c'est le cœur qui met les vêtements de l'autre dans la transplantation. Là, hein? Mettre les vêtements d'un autre, c'est dépersonnalisant seulement si les vêtements n'ont pas été lavés et seulement si les vêtements, on ne les porte pas suffisamment longtemps. Autrement dit, si une fois par semaine, je mets ton veston, j'aurai l'énergie de Daniel Bolduc, qui veut pas. Mais si le veston, tu me le donnes, je le lave, je le nettoie, les alchimistes vont dire « mets-le au soleil », comme ça, il va être carrément photonisé, ce qui fait qu'il n'y aura plus d'énergie vitale de l'autre. Et là, je mets le veston, je l'ai repassé, par exemple, la chaleur, tout ça, je le mets, puis après 2-3 semaines, le veston est à moi. Ce n'est donc pas dépersonnalisant si le veston, je m'appartiens. Pourquoi? Parce que ta vibration dedans va carrément être transmuée par la mienne à la longue. C'est sûr que dans le début, je perçois la tienne. C'est pour ça que les enfants voudront coucher avec le chandail de leur père ou de leur mère ou dans le lit des parents ou avec l'oreiller ou quelque chose. Quand les parents sont pas là, comme ça, il y a l'énergie vitale, donc le magnétisme des parents dans le linge, et l'enfant perçoit donc le père ou la mère par le linge. Sauf que si le linge reste toujours dans la chambre de l'enfant, l'enfant va finir par se percevoir lui dans le linge et non plus les parents. Bon. Maintenant, dépersonnalisant. Si on prend un cœur, pourquoi la religion ne veut pas, certaines religions, certaines théologies intuitives ne veulent pas que les transplantations soient faites? Parce que dans le sang, il y a les hormones. Dans les hormones, il y a donc l'expérience de l'âme. Donc, dans le sang, il y a de l'âme. Transfusion sanguine, transfuser de l'âme. Transplanter un cœur, évidemment, tu transplantes carrément la pompe du système sanguin, donc de la sanguinité de l'âme. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le sang transposé chez quelqu'un est très rapidement digéré, assimilé par le corps de celui qui le reçoit, ce qui fait que, après quoi, une heure, deux heures, après un peu plus que ça, disons quelques heures et quelques jours, dépendant des corps physiques et de la puissance vitale de l'âme dans le corps physique, là, le sang transfusé devient automatiquement, appartient maintenant à celui qui est là, ce qui fait qu'il n'y a donc aucun problème cosmique, amique, théologique ou réel de faire une transfusion sanguine. Lorsqu'on transplante le cœur, pendant un laps de temps, le cœur qui va pomper contient en essence toute la mémorisation personnalisée de l'âme. Donc, évidemment, la personne qui reçoit un cœur, elle est un peu l'autre. Elle pourra mentalement vibrer des choses, mais émotivement, elle va effectivement sentir qu'il y a comme que l'autre l'habite un peu. Bon. Sauf qu'après un laps de temps, si cette personne n'instruit pas dans sa mémoire expérientielle, dans son âme, le fait, si elle n'énergise pas continuellement le fait que l'autre est un peu là, après quelques temps, disons après quelques mois au niveau du cœur, le cœur va maintenant être carrément, va appartenir en propriété privée à celui qui va l'avoir reçu. Donc, les mémoires de la personne à qui le cœur appartenait avant ne seront plus dedans, ce qui fait qu'il n'y a plus aucun problème. Sauf évidemment, si la personne, tout fait qu'elle se couche, elle se dit « Ah, je couche quand même un peu avec tel autre ». Donc, elle le mémorise. Non, c'est ce qui peut arriver. Vous n'avez pas eu des transplantations cardiaques, mais si on se branche un peu sur les personnes qui sont transplantées, la problématique se pose. Est-ce que ça pourrait être une cause de rejet? Bon, ça peut être, effectivement. T'es rendu, c'est pas mal bon. Ça peut être une cause de rejet au niveau, surtout du plan vital. L'âme ne rejettera pas le cœur, sauf que la constitution génétique, donc la constitution vitale du cœur, peut ne pas être en harmonie avec la vibration périsprique de l'âme. Donc, automatiquement, l'âme va obliger une sécrétion hormonale, une sécrétion d'un paquet de phénomènes qui vont essayer de rejeter l'ennemi, c'est-à-dire que l'âme va refuser l'expérience traumatisante de l'énergie mémorielle amique contenu dans l'énergie vitale, qui elle-même est soutenue par la molécule, par la formation même, disons, biologique du cœur, et automatiquement, l'âme peut obliger le corps à repousser carrément cela. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a des médicaments qui peuvent empêcher les rejets pendant un laps de temps. Pourquoi le médicament empêche le rejet et qu'après un bout de temps, on n'a plus besoin de mettre le médicament, l'organe était accepté? Simplement parce que c'est le temps que prend le corps à digérer, donc à démolir l'énergie vitale et amique de l'organe transplanté pour pouvoir y mettre la sienne. Donc, le médicament empêche l'âme de pouvoir sécréter certaines formes de chimicalité de rejet. Le médicament empêche l'âme de s'exprimer là-dedans, donc le rejet ne peut pas être fait. Et pendant ce temps, l'âme, évidemment, expérimente l'organe, ce qui fait que lentement, la partie vitale et amique de l'organe est détruite au niveau de la personnalité du donneur. Et lentement, le corps finit par s'implanter dans l'organe, ce qui fait qu'à un moment donné, tu peux arrêter les médicaments. Pourquoi? Parce que le corps ne le rejettera plus. À ce moment-là, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen mécanique de pouvoir justement... Un moyen exorciste. Qu'est-ce que tu entends par d'exorciste? Ben, des choses. Bon. Tu transplantes le cœur pour éviter le rejet. Tu peux donc, par magnétisme ou carrément par exorcisme, c'est-à-dire par l'appel égrégorien des mécanismes amiques archétypaux qui ont formé ou formaté les deux individus humains, tu peux t'arranger pour que, vibratoirement parlant, l'âme, donc tu parles à l'âme, c'est ce qu'un exorciste va faire, parler à l'âme, parler à ce qu'il possède, ou parler aux énergies amiques qui viennent traumatiser un ego. Enfin, bref, tu parles à l'âme pour lui expliquer comment elle peut, pour l'instruire de comment s'ajuster à la résonance de l'organe qui est transplanté. Alors, on a le médicament peut le faire. Prenons l'exemple d'une personne... Si on parlait du médicament, par exemple, est-ce qu'on pourrait pas le faire par un moyen chimique ou vibratoire? Mais on le fait déjà par des médicaments. On le fait déjà au niveau chimique. Oui, mais avant même de faire la transplantation, à ce moment-là, il y aura moins de complications. Bon, avant de faire la transplantation, il faudrait quasiment qu'on aldolise la personne, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on lui donne des antipsychotiques assez puissants. Autrement dit, il faudrait qu'on la lobotomise temporairement par des médicaments. On a des médicaments qui existent pour faire cela. On s'en sert en psychiatrie surtout. Donc, il faudrait carrément qu'on traite la personne comme étant un débile. Oui, mais je parle plus pour le cœur, qu'on va y transplanter. Exactement. Si la personne est carrément déconnectée, donc lobotomisée, la psychologie astrale ne peut plus s'exprimer convenablement, donc il n'y aura à peu près pas de rejet. Sauf, évidemment, il faut qu'on lobotomise les bons circuits. La personne qui est donneur. La personne qui est receveur. La personne qui est donneur, normalement, quand elle donne, est morte, pour la majorité des cas. Oui, c'est ça, mais c'est ce que je voulais dire, c'est que ce cœur-là qu'on va prendre... On le prépare dans le mort pour le transplanter après? Oui, ou c'est ça. C'est intéressant, ton affaire, là. J'ai demandé ce soir de m'engueuler un peu plus, de me pousser un peu plus. Vous voyez, ça le grimpe, ça me grimpe, c'est bon. C'est pour ça qu'il m'interrompt souvent. Parfait, ça. Bon, si on peut préparer l'organe dans le donneur avant de le transplanter dans le receveur, ben c'est tout à fait génial. Un jour, on ira en parler à l'Académie de médecine de... Ouais. Il y a même, aussi, moi, ou même entre les deux, hein, entre les deux corps, ça peut se faire dans un laboratoire. Oui, bon, maintenant, il y a des moyens énergétiques, mais effectivement, ça ne me tente pas d'élaborer là-dessus parce que ce n'est peut-être pas du domaine, disons, de la soirée. Mais effectivement, c'est intéressant de penser à préparer le donneur, l'organe donneur, à ce qu'il soit. Maintenant, il y a une chose importante, il faut le comprendre. Le donneur, c'est préférable qu'il soit mort. Parce que ce qui va arriver, c'est que si tu prépares l'organe dans le donneur, mettons, prenons l'exemple d'un rein. On a deux reins, donc le donneur peut être vivant. Il donne un rein. Si tu le prépares convenablement, le rein va être rejeté par le donneur. Alors, le problème du greffé, c'est le donneur qui va l'avoir. Eh bien. S'il est mort, il va le rejeter, donc, parce qu'évidemment, l'organe appartient maintenant au receveur. Si énergétiquement, encore une fois, c'est du domaine de l'exorcisme, le terme entre guillemets, là, parce que, évidemment, ceux qui ne connaissent pas comment fonctionne l'exorcisme peuvent se poser des questions, là, mais c'est simplement une transformation énergétique dans un âme ou dans un corps vital, l'exorcisme. Alors, évidemment, par une forme, disons, d'exorcisme, de magnétisme, enfin, d'une préparation énergétique, on pourrait effectivement préparer un organe, alors l'organe ne serait rejeté par le corps et il serait évidemment bienvenu dans le corps à qui il appartient, c'est-à-dire le corps du receveur. J'ai des rêves à chaque seconde et je rentre dans mes rêves comme si je faisais du cinéma. Donc, je ne suis jamais dans le présent. Je ne vis même plus dans la vie. Je me demande si ça va quelque part et je suis ailleurs. Okay, j'ai suffisamment, tu me poses la question. Parfait. Bon. Le problème des drogues. Il faut comprendre que la majorité des drogues ont un effet beaucoup plus vital ou astral, donc amique, que physique. La drogue, c'est une substance chimique. La substance chimique, elle est particulière. Pourquoi? Parce qu'elle est constituée d'atomes particuliers et ces atomes sont placés dans un ordre particulier. Et l'ordre particulier est obligé par le plan vital qui constitue l'atomicité ou l'énergie intra-atomique qui va constituer la drogue. Lorsqu'un être humain prend la drogue, il absorbe presque pas la chimie de la drogue, il absorbe surtout l'énergie vitale qui constitue la chimie de la drogue. Cette énergie vitale a pour effet de venir altérer soit la vitalité du corps physique, la majorité des médicaments, c'est ce qu'ils vont faire, ou la vitalité du plan amique, donc du plan astral. Si cela est altéré, premièrement, on a des drogues qui attaquent le périsprit. On a différentes drogues qui attaquent, comme la marijuana, comme la boisson, comme le crack et comme certaines autres drogues attaquent le périsprit. Donc, diminuent l'enveloppe protectrice de l'âme, ce qui fait qu'à un moment donné, l'individu a une sensibilité accrue qui le pousse à se mettre en contact avec le monde des morts, donc avec l'astral, avec le ciel. Alors, il voit un paquet de choses. Il va souffrir, évidemment, de l'expérience de cela, mais il va quand même les voir. Les personnes appellent ça un voyage astral, un trip. Et ce qui peut arriver, c'est que lorsque le périsprit est suffisamment altéré, un paquet d'entités possessives, on connaît aussi la majorité des drogues hallucinogènes qui vont justement créer cette problématique, on a des individus qui finissent par être tout à fait altérés au niveau de l'âme, donc au niveau du périsprit. Maintenant, le fait que l'être humain, donc que cette personne ici, qui n'est pas tellement âgée, a le fantastique pouvoir de pouvoir toujours être dans le monde de la mort tout en restant vivant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement que, premièrement, le périsprit a été suffisamment altéré. Donc, l'individu va lentement et progressivement devoir reconstituer l'épaisseur de son périsprit pour éviter, justement, que l'ego soit toujours en résonance vibratoire avec l'extérieur du périsprit qui ne filtre plus quoi que ce soit. Alors, l'ego a une particularité. Premièrement, regardons ceci. Les drogues, donc, peuvent altérer le corps vital de l'humain. Altérant le corps vital de l'humain, ils peuvent altérer aussi la perception sensorielle. Altérant le corps vital qui constitue le périsprit, donc elle peut aussi obliger une hypersensibilité au niveau amique, et là, l'âme aura plus de difficultés à percevoir ce que les sens apportent, ce qu'on appelle, disons, le réel, et elle sera beaucoup plus en affinité avec la mémoire planétaire, donc évidemment avec le ciel. L'individu ici, comment faire pour s'en sortir, où est-ce qu'il va s'en sortir, ou etc., etc., etc. Il faut bien comprendre que l'énergie vitale, c'est irrémédiable, sauf que ça prend un certain temps. La personne peut être fatiguée, la personne peut aussi ne pas être fatiguée. Maintenant, une chose qu'il faut comprendre, c'est que l'enveloppe périspirique va être capable d'être reconstituée si la personne mange beaucoup de choses vitales. Donc, si la personne mange des aliments crus, des fruits crus, un paquet de choses dans le genre. Si la personne mange un peu de viande aussi, qui va lui amener de l'expérience amique d'un âme qui avait été constituée. Ce qui fait qu'à moyen terme ou à long terme, la personne va évidemment finir par s'en sortir. Chose certaine, elle ne doit plus prendre aucune drogue, aucune boisson. Il y a un paquet de choses, disons, de ce genre qui doivent être éliminées. Et la personne doit maintenant prendre son mal en patience, c'est-à-dire que l'ego qui a expérimenté des chemins pour aller fouiller, ces chemins sont nourrissants et sécuritaires. Donc, l'ego fouille encore par ces maudits chemins. Mais lentement, l'enveloppe va se réépaissir. Alors, l'ego aura, de moment donné, de plus en plus de difficultés à fouiller à travers le monde des morts. Et il va donc, pour se nourrir, s'en remettre au plan sensitif. Et il va donc redevenir normal, ce qui fait que le problème va se régler à moyen terme, jamais à court terme, à moyen terme ou à long terme, mais de toute façon, ça va se régler. Et l'expérience de l'ego, de cette mécanicité de drogue et de cette phénoménologie de voyage astral réveillé, donc de toujours être dans le monde de l'imagination, du rêve, est quelque chose qui va, à un moment donné, permettre à l'ego de celui qui a vécu cette expérience de pouvoir transcender plus rapidement, lorsque cela va être venu le temps, le phénomène de la mentalité, ce qui fait qu'il pourra mentaliser son expérience par la suite. Il pourra donc dire « ce fut une expérience enrichissante ». Mais longue en vache. Pouvez-vous nous expliquer? Essaye ça, voir. Et c'est pour moi que je ne sais pas lire des fois. Pouvez-vous expliquer la phrase suivante? L'homme est manipulé malgré qu'il n'a pas de manipulateur. Et deuxièmement, est-il possible de composer de la musique sans émotion? Bon. Il est possible de composer de la musique sans émotion lorsque la sensibilité du mental s'exprime directement par le corps physique dans un instrument de musique. Maintenant, la musique qui est composée sans émotion est une musique qui est extraordinaire. Le seul phénomène, c'est que l'homme nouveau pourra jouer de la musique, mais jamais il n'enregistrera sa musique et jamais il ne rejouera deux fois le même morceau. Pour la simple raison qu'il est instantané et créatif, donc intentionnel dans son expression, il pourra jouer des morceaux de musique sur n'importe quelle forme d'instrument sans jamais avoir à les répéter. Pourquoi? Ce sera toujours de l'improvisation instantanée. Donc, une lecture ou une expression immédiate d'une perception sensitive, donc sensible, d'une mécanicité extérieure, d'un nombre de formes. Alors, il ne jouera pas des morceaux qu'il aura appris, et il ne voudra pas apprendre des morceaux qu'il va créer. Nous expliquer la phrase suivante. L'homme est manipulé malgré qu'il n'a pas de manipulateur. Il y a un manipulateur qui porte le nom de monde des morts, de ciel ou d'astral. Bon, il y a un manipulateur qui porte ce nom. Sauf que quand je veux dire que l'être humain est manipulé, vous pouvez constater que vous êtes manipulé. Vous n'avez jamais ce que vous voulez. Vous avez presque toujours ce que vous voulez pas. Bon, on est manipulé. Enfin, on est malade, on vieillit, on meurt, on a peur, on a chaud, on a ceci, on a cela. On n'a pas mis nos pneus d'hiver quand la neige tombe. Il aura fallu que la neige attende un peu. On est toujours manipulé. Bon. Alors, on a un paquet de problèmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui manipule l'homme n'est pas intelligent. Donc, n'est pas intentionnel. Ce qui manipule l'homme n'a pas le désir de manipuler l'homme. Ce qui manipule l'homme, exactement comme vous-même, vous êtes malheureux. Mais ce n'est pas intentionnel, vous ne voulez pas être malheureux. Ce qui est intentionnel chez vous, c'est la mémoire expérientielle de certains phénomènes que vous recherchez encore. Je veux être heureux, j'ai vécu, ça me fait plaisir. Mais ça ne manipule pas l'extérieur, pourquoi? Parce que l'extérieur vit une relation qui est créatrice au niveau du monde des morts, c'est-à-dire que l'extérieur vit une relation de conscience collective, et ce que tu désires, toi, n'est pas nécessairement en relation événementielle, donc ne peut pas nécessairement devenir un événement pour toi, parce que tous les autres humains qui ont de l'ego ont des désirs et des vouloirs différents. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain est manipulé par un contexte qui est collectif, qui est mémoriel, qui a été créé par l'expérience planétaire de l'homme, parce que le ciel a été créé en même temps que l'homme, c'est-à-dire que l'enveloppe périsprique du ciel a été disons. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme était de l'esprit. Lorsque l'homme est descendu sur le plan planétaire, donc lorsque l'homme a été terrestrifié avant d'être terrorisé, lorsque l'homme est arrivé sur le plan planétaire, dans un certain schéma de vibration, l'homme a tellement été ralenti que c'était pas un homme, c'était un dieu, un esprit. Lorsque l'esprit est arrivé dans le contexte planétaire, il a tellement été ralenti parce qu'il fallait que ça devienne de la matière, il fallait que ça devienne dense, donc bon en vibration, qu'une grosse partie de ce qui le constituait a constitué le monde, disons l'enveloppe périsprique du monde de la mort. L'homme est apparu dans la matière et entre l'enveloppe du ciel et l'enveloppe terrestre, il n'y avait rien que l'homme. L'homme expérimentant les choses, mémorise les choses, créant de la mémoire, de l'expérience, cela lentement gonfle le ciel et plus ça va, plus le ciel est grand. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce ciel, créé par la mémoire mécanique de l'homme, par la mémoire événementielle de l'homme, expérientielle de l'homme, de l'humanité et des humanités, finit par obliger ceci. Les Russes ont peur des Américains. Qui c'est qui manipule ça? Quelle est l'intelligence maléfique, luciférienne ou yavique qui manipule le fait que les Russes auront peur des Américains? Ben rien. Sauf que les Russes ont peur des Américains parce que dans l'archétype russe-soviétique, comme communiste, dans l'archétype qui crée les âmes des personnalités russes, ben il y a quelque chose qui est tout à fait en dissonance avec l'archétype astral qui crée le capitaliste américain. L'Amérique a été constituée, il a été constitué par le mélange d'une panoplie d'égrégores de différents peuples. Ça a été une terre de liberté où tous les peuples venaient se mélanger. Ça a créé un ciel qui accepte donc ce mélange, un ciel qui accepte donc la liberté de choix, la liberté de vote. Évidemment, quand je parle des États-Unis, parlons aussi du Canada, parlons de l'Amérique, c'est le même phénomène. Parce que c'est la même chose, on a mis une frontière parce qu'on était cave, mais c'est le même phénomène. Bon. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce ciel, cet égrégore, cet archétype, américain est constitué de noirs, de jaunes, de polonais, de juifs, de ceci, de cela, même d'allemands. Hein? Le gars qui invente les V2 pour bombarder l'Angleterre, ben on l'engage pour faire des fusées bombarder la Lune. Bon, c'est lui qui a inventé, celui qui avait en main tout le projet Apollo, etc. Bon, alors évidemment, l'Amérique est constituée de tout cela. Tandis que l'archétype soviétique, par exemple, comme l'archétype français, comme l'archétype d'un paquet d'autres nations, l'archétype français, ben évidemment, le drapeau avant tout. L'archétype soviétique, lui, c'est l'égrégore, donc l'archétype russe avant tout. Et lui va gérer le parti, qui va donc devenir l'expression pharaonique, c'est-à-dire l'expression divine, hein, parce que le parti communiste, c'est ça que tu pries, c'est la religion. Donc, c'est comme un peu à l'époque des pharaons, le représentant divin pour les Russes des énergies créatrices au niveau de la planète. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a donc une manipulation, un choc entre ces constitutions célestes, donc entre ces constitutions du monde de la mort, mémorielles, et c'est ces choses-là qui manipulent l'humain. L'humain qui vient au monde en Union soviétique est archétypé dans sa formation amique par des choses qui, d'instinct, sait reconnaître un Américain et qui, d'instinct, aura de la difficulté à accepter que l'Américain n'est pas là pour pouvoir le vouloir le tuer, le voler, le posséder, le conquérir. Bon. Alors, c'est un paquet de phénomènes qu'il faut comprendre. C'est l'écosystème planétaire, donc une planétologie assez complexe qui forme la manipulation de l'homme. Vous autres, présentement, vous n'êtes pas des êtres humains, tous la majorité, qui aimeriez vous promener dans un camp de nudistes sans problème. Pourquoi? Parce que rien. Parce que vous êtes manipulés. Il y a des blocages. La constitution de votre âme ne permet pas d'être nourrie par ce genre d'expérience. Mais lorsque lentement tu t'habitues, ben lentement tu frappes ton âme par petites shots. Et à un moment donné, l'âme finit par avoir expérimenté le phénomène, et puis là, l'âme trouve normal. Elle ne comprend pas les autres, ils ne comprennent pas. Bon, c'est comme ça que ça marche. Alors, la manipulation, elle se fait comment? Il n'y a pas de manipulateur dans ce sens intentionnel, mais il y a quand même l'astral planétaire, donc il y a quand même le monde de la mort, qui régit tout à fait l'évolution amique de l'homme, et qui, par toute la relation de nourriture énergétique, force l'humain à vivre de l'émotion, à vivre de l'expérience, à s'aimer ou à s'entretuer, ce qui nourrit toutes les sphères du ciel, donc ce qui nourrit évidemment l'homme. Il n'y a pas de manipulateur intentionnel, par contre, il y a une force manipulatrice qui n'est pas intentionnelle, c'est-à-dire qui n'est pas intelligente, mais qui a une intelligence mécanique, intellectuelle comme l'homme, une intellectuance qui lui permet d'associer des choses pour pouvoir continuer à avoir de la nourriture. On pourrait-tu appeler ça un phénomène synergique? Oui, on peut appeler ça comme ça. Comment l'ego se nourrit-il si une émotion est inconsciente et qu'elle crée des problèmes physiques? Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent on s'illusionne que l'ego veut se nourrir de bonnes choses. L'ego veut se nourrir, et toute nourriture qui nourrit l'ego est une bonne chose pour l'ego. Sauf que dans votre ego, il y a une partie qui a expérimenté le gâteau au chocolat, et il y a une partie qui a expérimenté le rond de poil. Pour votre ego, qui est maintenant pluralitaire au niveau des personnalités qu'il constitue, donc des expériences agglomérées, se brûler, encore une fois, est de la nourriture pour la partie qui est constituée d'expériences semblables. Manger le gâteau au chocolat est de la nourriture pour l'autre partie. Alors, ce qui fait que l'humain, même si l'humain s'illusionne, parce que l'humain est archétypé à penser que, l'humain s'illusionne qu'il veut vivre bien, qu'il veut la santé, qu'il veut ceci, qu'il veut cela. Ça, c'est la partie de l'ego qui a tendance à s'exprimer dans la conscience de l'homme, donc dans la conscience cérébrale de l'homme. Mais le reste de l'ego qui, lui, s'exprime par le côté, disons, thalamien ou hypothalamien, donc du thalamus ou de l'hypothalamus, lui, n'a pas nécessairement la même vibration, donc il n'est pas nécessairement d'accord avec la partie hautement évoluée de l'âme, donc de l'ego, qui, elle, veut vivre des tripes flottants, de la paix. Mais il y a une partie de l'ego qui veut vivre de la guerre, parce qu'elle a connu la chicane avec le frère, parce qu'elle a été créée par de la chicane avec le chat, parce par le refus de la mère de donner son pot de caramel, par son chum qui a piqué ses biscuits, etc. Ce qui fait que cette partie-là de l'ego, elle a besoin de la nourriture. Et cette nourriture, elle va la chercher pas dans la paix, ça vient à la heurter. Alors elle va la chercher dans l'agressivité, elle va la chercher dans les films de guerre, elle va la chercher dans les combats de boxe, elle va la chercher dans des choses comme ça, dans les parties de hockey. Elle va la chercher là où la partie en haut va dire « Moi, je m'en mêle pas, c'est pas moi. » Et la partie d'en bas, ben, elle a besoin de voir. Elle va la chercher dans la lecture de journaux avec un camion qui a frappé un autobus. Ces accidents dans le chip, là, l'avion, le train, le bateau, tout en même temps, pas de blessé. Elle va chercher ça là-dedans. Alors donc, elle se nourrit par en bas. Alors l'humain s'imagine toujours que, ben oui, mais moi, je veux avoir des expériences qui sont, c'est ce que tu penses. Mais c'est pas ça qui arrive. L'ego recherche un paquet de choses. Alors, comment l'ego se nourrit-il si une émotion est inconsciente? L'émotion est inconsciente en ce sens que l'ego ne sait pas que c'est une émotion. C'est-à-dire que l'ego ne voit, tout ce que l'ego voit, c'est que cette émotion, elle est de la nourriture. Quand tu vis souvent la même émotion, ça marche. On a des couples qui sont toujours en train de s'engueuler et leur malheur, toutes leurs émotions négatives étant tellement connues par leur ego que ça devient sécuritaire. Alors, pour rien au monde, ils vont se séparer. Mais ils vont continuer à s'engueuler tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils vont vivre de l'insécurité s'ils se séparent. Oui, mais là, il est bien fine, celle-là, mais c'est quand même pas ma femme. T'sais, il est bien fin, celui-là, il est bien riche, tu sais, mais là, il va être plate avec lui. Ah oui, parce que là, il t'engueule pas. Alors, tu vas rester, donc, ça demande, et ça, c'est l'homme transitif va être capable d'arriver à scissionner et vivre l'inconnu, le neuf, l'insécure, et recommencer à zéro. Ça, c'est typique d'une psychologie transitive. Parce que l'homme ancien, jamais il va le faire. Il va préférer inventer un contexte, inventer une scène théâtrale. Ils vont plus se parler, ils vont... Tu sais, mais ils vont rester ensemble. Bon. Alors, donc, si les émotions sont inconscientes dans ce sens que l'ego, maintenant, vous savez tous ce que c'est qu'une émotion. Donc, l'émotion n'est pas nécessairement inconsciente par l'ego. Sauf que l'ego, lui, n'a pas conscience de comment il exprime l'expression de l'ego par le système du corps est une expression qui devient programmative, donc qui peut être transmise par la génétique et qui devient aussi une expression programmative, c'est-à-dire d'apprentissage qui n'a pas d'importance pour l'ego. Tout ce que lui a besoin, c'est de manger. Exactement comme vous autres. Votre estomac qui famine. Alors, vous prenez quelque chose et vous le mangez. Mais est-ce que vous avez conscience de toute la mécanicité musculaire et articulaire pour vous permettre de prendre le pain, puis de le manger, puis de l'assimiler, de le digérer? Non. Mais vous, quand même, vous avez appris à contrôler le bras, à prendre le pain, à le manger, à l'avaler sans vous étouffer et à le digérer. Mais vous n'avez pas conscience de la mécanicité qui permet ça et vous vous en foutez à l'instant où vous pouvez manger. Alors, l'ego fait le même phénomène. Il développe une mécanicité d'expression et il n'y attache pas d'importance. Il attache de l'importance à la nourriture que cette expression va lui amener. Alors, l'humain, l'enfant, marche tout croche. L'enfant, il tombe toujours à terre. L'enfant, pas d'équilibre. L'enfant finit par apprendre, pas pour apprendre ça, pour pouvoir aller chercher ça, pour aller chercher le gâteau caramel, pour aller chercher le jouet, pour aller sucer la suce du voisin, pour faire des choses comme ça. Là, l'enfant se développe pour faire ça. Mais est-ce qu'il a conscience de tout ce qu'il développe? Absolument pas. L'ego, c'est le même phénomène. L'émotion est inconsciente. L'ego s'en fout. Il se nourrit d'émotions, c'est ce qu'il a besoin. Alors, est-ce qu'elle crée un problème pour l'ego? Absolument pas. Puis, est-ce qu'elle crée un problème physique? Oui. Et c'est là que le mental va être capable de légiférer les problèmes physiques, donc il n'y en aura plus. Mais pour l'instant, l'ego s'en fout. Quand t'as un problème physique, ça crée une expérience de vie. L'expérience de vie crée une nourriture pour ton ego. Alors, tu vas manger, ben oui, je sais bien que j'engraisse, mais qu'est-ce que tu veux? Tu vas fumer, je le sais que c'est pas bon, mais qu'est-ce que tu veux? Tu vas boire, je le sais que, mais qu'est-ce que tu veux? Puis qu'est-ce que tu fais? Ben, tu continues à faire ça nourrit ton âme. Puis la journée que ton mental devient suffisamment vibrant, lui va instaurer une raison intelligente, donc une raison énergétique. Et là, sans souffrance, sans problème, la personne transitive finit par tout d'un coup commencer à maigrir. Tout d'un coup, ben, cesser de fumer. Les problèmes se règlent de cette façon. Sans qu'on y intervienne, ça semble être difficile à accepter pour l'ego. Ben, c'est évident. C'est évident. L'ego, lui, s'y intervient, il se nourrit. Fait qu'il n'est pas question que ça marche sans qu'il intervienne. Tu veux maigrir, tu souffres, c'est impeccable. Tu maigris, t'engraisses. Parce que qu'est-ce que tu veux, c'est maigrir. Quand tu veux maigrir, il faut que tu sois gros. Parce que quand t'es maigre, si tu veux maigrir, c'est pas nourrissant fort. C'est pour l'âme. Alors tu engraisses, puis oh oui, mais je peux pas, puis qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est une expérience qui est frustrante, donc qui te nourrit. Puis quand t'es assez gros, tu veux maigrir. C'est dur, c'est tough, ça te nourrit. Et tu te promènes. T'arrêtes de fumer, tu recommences. Tu lâches un gars, tu lâches une fille, tu recommenceras plus, tu recommences encore. Tu relâches encore, etc. C'est toujours le même phénomène. Là, l'hiver prochain, vas-tu les mettre, les pneus d'hiver? L'hiver prochain, tu les mettras pas plus. Mais non, t'as besoin d'expérience, ça te fait vivre! Jusqu'au moment où il se passe... Mentalement, d'un coup, il y a une résonance énergétique qui fait que tu deviens efficace. Tes pneus sont installés à temps. L'ego pourra pas jouir de pouvoir chialer de l'hiver. C'est sûr pour lui de chialer de l'hiver, il sent chez lui! Mais l'ego peut pas apprendre aussi à s'organiser? L'ego peut apprendre si le mental est capable, lentement, par l'ajusteur psychologique, donc l'intellect, d'induire lentement dans l'ego une nouvelle forme de programmation pour que l'ego finisse par passer mieux. Mais pour ça, il faudra qu'on invente la croyance, qu'on invente la foi, puis qu'on fasse croire à l'ego, parce que l'ego ne l'a pas expérimenté, donc il faudra qu'il croie. Qui croit, l'ego, il faudra que l'ego croie que le mental s'y organise, tu vas être nourri toujours. Parce que si l'ego ne croit pas à ça, il ne veut rien savoir. Pourquoi l'ego accepte la croyance d'un Dieu sauveur? Mais si l'ego ne peut pas l'expérimenter. Donc l'ego accepte cette croyance, ce qui le dynamise à pouvoir continuer à se donner une raison de son existence. Sinon, l'ego, il n'y aurait plus aucun problème. Ça serait dégueulasse pour lui. Il se laisse faire à ce moment-là. Ben oui. Alors l'ego, la croyance, c'est tout à fait génial, la foi aussi. C'est sûr qu'à un moment donné, au niveau du mental, la croyance ne peut pas pénétrer au niveau du mental. Tu sais ce que tu sais et tu sais ce que tu ne sais pas, donc ce que tu crois. Mais en attendant, la croyance, c'est extraordinairement bon pour l'ego, pour l'âme. Répétez bien à votre ego, n'est-ce pas, que l'âme et l'ego, c'est sine qua non, c'est fondamental pour arriver à avoir du mental, et le mental va vous amener au contact de vous-même, donc de votre esprit. Parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais je suis comme moi-même, l'ego, l'âme, c'est de la vraie merde. Mais si t'as pas d'ego puis t'as pas d'âme, t'es de la vraie merde. Oui, parce que tu peux pas devenir autre chose. Non, t'y restes là, c'est ça. Donc, c'est extrêmement génial et utile. Est-ce que le corps fait partie de l'âme ou le contraire? Un monde parallèle, ça définit différents plans, différents mondes qui ont la propriété de pouvoir cohabiter dans le même espace et dans le même temps sans vivre de relation, donc sans se mêler. Le plan physique, un monde. Le plan vital, un monde. Le plan amique, astral, un monde. Le plan mental, un monde. Le plan supramental, un monde. L'âme vit dans le même endroit en même temps que le corps vital et que le corps physique. Les deux n'ont pas d'altération, sauf là où la possibilité de relation existe, c'est-à-dire à la limite extrême du plan vital et à la limite extrême en bas du plan astral. Et là, l'âme va pouvoir s'exprimer par le biais du corps vital. La limite entre le bas du corps vital, c'est l'atomicité, donc de nos molécules, et les molécules eux-mêmes, c'est-à-dire l'atome, ce qui constitue même l'atome, donc le proton, le noyau, disons, et l'électron, permet donc au corps vital de pouvoir contrôler le plan matière. Ce sont des mondes parallèles qui ne vivent pas de relation entre eux, mais qui peuvent être reliés par le biais de certaines possibilités de contact entre la fusion de ces mondes. L'âme ne fait pas partie du corps, le corps ne fait pas partie de l'âme, les deux cohabitent ensemble, existentiellement, et l'âme peut travailler avec le corps, donc s'exprimer dans le corps. Mais quand l'âme s'exprime dans le corps, ce n'est plus de l'âme, c'est du corps. Le système hormonal transmet une émotion, mais l'émotion transmise, c'est de la chimie. Même si elle a été générée par un plan vital qui a su sécréter, donc orchestrer les molécules, former l'hormone et l'envoyer, donc par le plan vital qui a su orchestrer, et le plan vital a dû être régi par le plan amique, mais l'âme ne s'exprime pas dans le corps, l'âme s'exprime par le biais du corps. Donc, l'âme ne fait pas partie du corps et le corps ne fait pas partie de l'âme, mais tout ça est en même temps à la même place. Les psychothérapies ne sont-elles pas un moyen de rendre consciente des émotions refoulées? L'émotion refoulée est toujours une émotion exprimée dans le corps physique. Bon. Alors, refoulée, il faut s'entendre par refoulée, parce que la psychologie parle de refoulée, parce que la psychologie ne connaît pas encore toute la mécanicité de l'âme. Donc, de l'évolution de psychologie, science de l'âme, elle ne connaît pas l'âme. Alors donc, il n'y a pas d'émotion refoulée, il y a des émotions qui sont exprimées dans le corps physique. Il y a des émotions qui sont exprimées par la voix. Il y a des émotions qui vont être exprimées par la gestuelle. Et par la voix et la gestuelle, on dit qu'elles sont exprimées, tandis que par le corps physique, on dit qu'elles sont refoulées. Elles ne sont pas refoulées, elles sont exprimées aussi. Les psychothérapies, donc, les thérapies de l'âme, donc les cures de l'âme. Qu'est-ce que c'est qu'une psychothérapie? C'est l'ajustement de l'âme à une normalité. C'est ça, une psychothérapie. T'es pas normal, on te normalise. Toutes les psychothérapies sont un ajustement, donc une cure, un ajustement de l'âme à la normalité. Sont-elles, ne sont-elles pas un moyen de rendre consciente des émotions refoulées? Est-ce que c'est un moyen de rendre consciente une émotion qui est exprimée, pas refoulée, mais exprimée dans le corps physique et l'exprimer différemment? Ben oui. Sauf que ça ne rend pas... la psychothérapie, c'est un mécanisme qui permet à l'âme de pouvoir être transformée et de pouvoir se donner l'illusion d'une amélioration. Mais combien de psychothérapies auras-tu besoin au cours de ta vie? Peut-être un paquet. Et qui est celui qui crée la psychothérapie? Comme le psychologue. Le psychologue, il essaie de te replacer dans la société pour que tu redeviennes fonctionnel. Mais le psychologue n'est pas là pour te faire évoluer. Le théologue serait plus là pour te faire évoluer. Mais le théologue, souvent, ne sera pas capable de te placer normal dans le monde. Il doit te convertir à sa théologie. Oui, il reste que... Est-ce que ce ne serait pas une démarche quand même utile? Oui. C'est une démarche utile, et lorsque la démarche a été utilisée, maintenant, il faut passer à d'autres choses. Est-ce que le fait de descendre dans les bas-fonds de la souffrance n'amène pas plus d'intensité? Jusqu'où l'humain peut-il descendre sans danger? Est-il essentiel de descendre? Moi, je crois que oui. Bon. Est-ce que le fait de descendre dans les bas-fonds de la souffrance n'amène pas plus d'identité? Jusqu'où l'humain peut-il descendre sans danger jusqu'à la mort? Est-il essentiel de descendre? Bon. Un problème, un phénomène pour la personne. Est-il essentiel de descendre? Moi, je crois que oui. Alors, pose pas la question. Bon. L'humain, la souffrance de l'homme, la réelle souffrance de l'homme, donc la souffrance que l'individu ici parle, est lorsqu'il y a des chocs, lorsqu'il y a des bris d'égo. Alors, il y a l'ego, et puis lorsque l'ego vit des traumatismes terribles, ce qu'on appelle la souffrance, on a la souffrance. Ah oui, je chauffe, ça fait 15 ans que je chauffe. Souffre pas, tu jouis. C'est pas pareil. Veux-tu guérir? Ah, je peux pas. Mais ça, tu veux pas guérir. Tiens, mais faudra que tu fasses ça. Ah, j'aurai jamais la force. Mais non, c'est correct. OK? Elle souffre pas. Mais quand la personne souffre rapidement, elle devient écœurée d'être écœurée de souffrir. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que la souffrance, donc ce qu'on appelle aussi le retour aux enfers ou la descente aux enfers. C'est ça, la souffrance terrible. La souffrance, c'est que l'être humain expérimente des choses où l'expérience amenée vient heurter violemment son ego, faisant partir une partie de l'ego, une autre partie de l'ego. Donc, évidemment, lentement, elle dissocie l'ego. Et la partie qui est capable de légiférer l'expérience traumatique de l'ego, la partie mentale, finit, elle, par avoir de plus en plus de pouvoir, donc de puissance. Pourquoi? Parce que l'ego, pour éviter les traumatismes, s'en remet au mental. Et là, le mental va carrément jouer l'ego. Le mental va prendre de la puissance. Et là, effectivement, ça crée une identité particulière à celui qui a une énorme souffrance surréelle. Mais pour descendre aux enfers, faut avoir un peu de mental, sinon on capote. Exactement. Tu capotes, tu viens fou, tu meurs. Donc, il y a des problèmes de la descente aux enfers. Prenons juste l'exemple des conférences ici. De temps en temps, il y a des personnes qui viennent et qui ont des maux de choc. C'est une forme de descente aux enfers qui n'est pas risquée parce qu'elle est adaptée et ajustée. Lorsqu'on fait le séminaire PMC1, le séminaire intensif de 2 jours, il y a énormément de personnes qui ont des maux du choc. Mais est-ce que c'est nécessaire de vivre une souffrance physique où on te torture, où tu perds tout ton argent, où ta femme te suicide, ou que... Bon, ben, tu te tues, c'est mieux. Ou il y a un paquet où toi-même ou ton mari te saute dessus, où il se passe un paquet de choses, tes enfants se droguent. Est-ce que c'est nécessaire de passer par cette initiation psychologique de la souffrance, ou c'est pas mieux par passer par l'initiation initiatique, ce que d'ailleurs l'intuition a toujours voulu amener. On a toujours eu des formules, disons, d'initiation un peu partout, dans les écoles traditionnelles, même au niveau de toutes les formes de religion. Mais les mots d'initiation ont toujours été donnés à l'élite. Alors, présentement, de plus en plus, il y a une forme d'initiation qui est donnée à ceux qui veulent la faire. Tu peux vivre des choses... Il y a, comme au niveau, par exemple, de heurts d'ego, bien évidemment, si on regarde le séminaire PMC1, d'ailleurs, tu l'as fait, plus qu'une fois d'ailleurs, et tu peux constater qu'effectivement, il y a des personnes qui ont des chocs. Mais ces chocs-là, ils arrivent toujours à survivre à ces chocs. Pourquoi? Parce qu'après le choc égoïque, t'as l'explication mentale du phénomène. Alors, la personne, il y a une partie de l'ego d'école, et par la suite, elle a l'explication, donc elle vient remplacer la partie par une partie mauditement plus vibratoire, donc mauditement plus évoluée au niveau de l'âme. Plus cela se fait, plus la personne finit par avoir une âme qui sera personnalisée, c'est-à-dire une âme qui n'aura plus une partie colérique, une partie ceci, une partie cela, mais une âme qui finira par être suffisamment homogène pour que la personne ne vive plus des revers d'attitude ou d'expression psychologique quotidiennement. Ce qui fait que là, cette âme-là va donc être en correspondance avec le plan mental, elle va connaître le mental, alors elle va être capable de s'en remettre de plus en plus au plan mental, et c'est ce que l'initiation par la souffrance normalement amène. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on doit encore passer, il y a beaucoup d'individus qui vont le faire, mais est-ce que c'est strictement nécessaire, sine qua non, de passer par la souffrance noire de la vie? Non, on peut passer par une souffrance égoïque, typique, mais non pas amenée au corps physique, au corps vital, et au corps mental et au corps astral, seulement pour instruire l'astral. Tu peux passer par l'initiation de souffrance exclusivement amique, donc exclusivement égoïque, donc exclusivement astral. Ce qui est mostement plus brillant, parce que tu préserves ton corps physique, ton corps vital, ton corps mental, mais mieux tu l'énergises parce que t'es en condition de pouvoir fonctionner avec, et tu viens simplement travailler au niveau de ton ego, donc tu l'anégoïs, c'est-à-dire que tu brises des formes. Briser des formes, c'est briser des mémoires. Et c'est le travail, évidemment, du similaire PMC1. Alors voilà, la semaine prochaine, la conférence, c'est comprendre la mort sans souffrance, la mort de l'ego et la mort physique. Si ça vous intéresse, ça va être intéressant. Si ça vous intéresse pas, ça va l'être moins. J'en suis persuadé que ça va être très intéressant. Alors faites attention en vous en allant. Frappez pas trop de petites particules de neige, amoncelées en banc. Bonne soirée. Eh bien, merci beaucoup, Daniel.